Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de ce qui s'est passé au cours du week-end dans le monde du sport. D'abord, les Saguenay de Chicoutimi ont gagné 4-3 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Christophe Farmer a compté un but et égalé une passe dans la défaite. Samedi, les Sags ont vaincu les Tigres de Victoriaville 3-0. Dans le match, Jérémy Grolo, Samuel Hood et Jérémy Diotte ont marqué. Du côté des Marquis, Jonquin affiche parfaite au cours du week-end. Les Marquis ont gagné 3-1 contre Rivière-du-Loup. Dans le match, notez que Skip Kularos a marqué 3 buts et a amassé une passe et 2 filets pour James Desmarais. Et samedi, c'était le premier match des Marquis en sol américain. Et c'était une victoire de 5-2 contre la formation de Berlin. Le meilleur joueur a été Danick Paquette. Le multiconcessionnaire de Boumsessy dans la Ligue du Lac-au-Fleuve ont joué pour 500 au cours du week-end. Ils ont remporté leur premier match contre Forestville 8-3 et ils ont perdu 7-1 contre Charlevoix à l'aréna de Clermont. Ligue junior régionale, maintenant les Sabres de Roberval ont perdu vendredi soir contre les Marquis de Jonquière 5-3. Jesse Saint-Pierre a marqué un but et a amassé une passe. Et hier, défaite cinglante de 9-0 des Sabres contre les Marquis de Jonquière. Maintenant, les Éperviers de Normandais ont perdu 3-2 face aux Saguenay de Chicoutimi. Dans le match, Samuel Larouche et Mathieu Debois ont marqué des buts. Et dans un match extrêmement offensif hier, victoire des Aiglons 10-6. Contre les Éperviers. À noter que pour les Éperviers, dans le match, 2 filets pour Philippe Leroyer et un but de passe pour Charles Tremblay. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a joué 3 fois au cours du week-end. Ils ont perdu 3-1 contre les Vikings de Baie-Comeau. Le seul but appartient à Vincent Gagnon. Et samedi, 2 victoires du Marcos Pop. D'abord 3-0 et 8-2 contre les Vikings de Baie-Comeau. 2 buts, 3 passes pour Vincent Gagnon et 2 buts, 1 passe pour Simon Dumas. Et les Castors ont perdu 9-1 contre les Saguenay de Chicoutimi. Le seul but appartient à Zachary Baudette-Grimard. Le sport local et régional, adanradiosport.com, on s'en occupe.